Qui veut chasser une migraine n'a qu'à boire toujours du bon et maintenir sa table pleine de cervelas et de jambon. L'eau ne fait rien que pourrir le poumon. Boute, boute, boute, boute, compagnon, vide-nous ce verre et nous le remplirons. Boute, boute, boute, compagnon, vide-nous ce verre et nous le remplirons. Le vin goûté par ce bon père qui s'en rendit si bon garçon nous fait discourir sans grammaire et nous rend savants sans leçon. L'eau ne fait rien que pourrir le poumon. Boute, boute, boute, boute, compagnon, vide-nous ce verre et nous le remplirons. Boute, boute, boute, boute, compagnon, vide-nous ce verre et nous le remplirons. Buvons donc tous à la bonne heure pour nous émouvoir le rognon et que celui d'entre nous meure qui dédiera son boute, boute, boute, boute, compagnon, vide-nous ce verre et nous le remplirons. Boute, boute, boute, boute, compagnon, vide-nous ce verre et nous le remplirons.